Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Devoir faire quelque chose Devoir faire quelque chose يجب يلزم Devoir. Devoir. يجب أن أرسل المكتوب. Je dois envoyer une lettre. Je dois envoyer une lettre. يجب أن أدفع للفندق. Je dois payer l'hôtel. Je dois payer l'hôtel. يجب أن تستيقظ مبكراً. Tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. يجب أن تشتغل كثيراً. Tu dois beaucoup travailler. Tu dois beaucoup travailler. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. Tu dois être à l'heure. Tu dois être à l'heure. يجب أن يعبئ التانك. Il doit faire le plein. Il doit faire le plein. يجب أن يصلح السيارة. Il doit réparer la voiture. Il doit réparer la voiture. يجب أن يغسل السيارة. Il doit laver la voiture. Il doit laver la voiture. يجب عليها أن تتسوق. Elle doit faire des achats. Elle doit faire des achats. يجب عليها أن تنظف الشقة. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. Elle doit faire le ménage dans l'appartement. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Elle doit laver le linge. Elle doit laver le linge. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Nous devons aller tout de suite à l'école. Nous devons aller tout de suite à l'école. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Nous devons aller tout de suite au travail. Nous devons aller tout de suite au travail. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. Nous devons aller tout de suite chez le médecin. يجب أن تنتظر الباص. Vous devez attendre le bus. Vous devez attendre le bus. يجب أن تنتظر القطار. Vous devez attendre le train. Vous devez attendre le train. يجب أن تنتظر التاكسي. Vous devez attendre le taxi. Vous devez attendre le taxi.